Lebon, lepon, amon nafi danam. yow baay bi mu amee yaa fekke. Yaa netali ma dégg. Waaw, kii nag benn gaañ la woon quoi. Waa ji daal dafa xiif a xiif a xiif a xiif liggéey ba wàcc nag quoi. Moom daal muy wut fu mu añee ndeke yorul lu dul 500 francs ci poche bi. Léegi waa ji nag romb benn restaurant rek. Daal ne bon xaaral ma dugg fii xool quoi. Waa ji dugg ci restaurant bi daal fay fekk benn gel quoi. Ne ko waa mais soxna si sawa na nga def. Ndaw si ne ko sawa bien mu ne ko ah man de damaa xiif dama bëggoon vraiment lu ma lekk quoi. Dama bëggoon xam nag lan ngeen am fii lu ñu mën a lekk quoi. Ndaw si ne ko waaw bon daal di koy wan menu bi quoi wan ko plat yi ñam ak affaire yooyu quoi. Mais waa ji daal biñ ko wanee menu bi plat yi ñu am gis na ne daal prix affaire yi cher na quoi. Bi gën a moins cher 5000 francs lay jar quoi. Waa ji xool xool xool xool xool xamul li muy wax quoi. Mu xool ndaw si ne ko nii ne ko amuleen ruuj.